Super Bowl. Excusez. Le 11 septembre, c'est le gouvernement. Okay. J'aimerais ça qu'on fasse une enquête là-dessus. Les vraies priorités. Oui. Très bon timing. Les duchesses, c'est de l'esclavage. OK. Ouais. Voici mes totons. Je vous montre mes totons. Totons. Je fais-tu avancer le dossier? Mais est-ce qu'il va le débat? Totons. Je montre mes totons. Carnaval patriarcal. Il y a du monde fou dans la tête. Ah, ça va de bon. Il est 8h04. Tour de table pour le fun. Ça n'a plus l'importance que ça avait, là, mais y a-t-il une publicité qui vous a marqué hier? Ah oui, Tim Tebow.